La pièce de théâtre « La lignée » a été donnée le 17 octobre au Théâtre dramatique d'État à Pyongyang à l'occasion du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme par le président Kim Il-sung. Y ont assisté Kim Yong-nam et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti et des forces armées, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les officiels et méritants des usines et entreprises de la ville de Pyongyang. Le théâtre montre de façon artistique la force d'esprit de la classe ouvrière du complexe de ciment de Sangwon qui s'efforce pour accomplir à tout prix la tâche de l'augmentation de la production de ciment donnée par le Parti du Travail de Corée en soutenant le noble dessein du maréchal Kim Jong-un qui continue les idées et causes des grands leaders pour édifier la meilleure puissance dans le monde.